Lettre 84e, Agathoclès à Constantin, Saint-Iome, août 303. Ce n'est pas au fils de César que j'écris. L'homme borné dans ses désirs n'a nul besoin de faveur. Ce n'est pas à celui qui sauve à mes jours. Qu'importe au monde que le fils obscur des Gésippus vive encore. Constantin en eût fait autant pour tout autre que pour moi, mais je m'adresse à l'ami de mon cœur. Il m'a abandonné dans un moment d'humeur. Depuis bien des mois, il paraît m'avoir oublié. Mais moi, je pense à lui à chaque heure de ma vie, et plus je suis heureux, et plus je regrette qu'il n'en soit pas le témoin. Heureux, dis-je, non, je ne puis l'être si j'ai perdu l'amitié de Constantin, et je viens demander à son cœur s'il est vrai qu'il me soit fermé pour toujours. Sois persuadé du moins que tu es le seul homme au monde pour lequel je sois capable de faire cette démarche. Je la fais parce que je suis convaincu que si ton amitié n'existe plus, tu conserves pour moi toute ton estime. Qu'ai-je fait pour la perdre? J'ai préféré le bonheur aux richesses. Ce choix est-il donc extraordinaire? Je ne me repens nullement de ce que j'ai fait. Ma théophanie est pour moi le premier des trésors. Mais ton amitié, Constantin, est nécessaire aussi à mon existence, et même dans les bras de mon ami, de ma compagne adorée, je pense avec douleur que j'avais aussi un ami. Ô Constantin, cette douce et forte sympathie qui nous attacha l'un à l'autre dès le premier instant, cette harmonie de nos âmes qui m'élevait au-dessus de moi-même, sont-elles donc disparues pour jamais? Ce rayon céleste qui nous embrasait dans les plaines de Carae est-il donc retourné au ciel d'où il était descendu, après avoir enflammé mon cœur et développé dans mon âme le germe des vertus? Sans doute cela devait être ainsi. Cette amitié, cette liaison entre un prince et un sujet, était trop extraordinaire pour qu'elle n'eût pas un but nécessaire. Mais pourquoi, quand ton cœur est devenu de glace, le mien brûle-t-il encore d'un attachement aussi vif, aussi pur que dans les premiers temps où j'ai appris à te connaître et à t'aimer? Je ne rougis pas de te l'avouer, non plus que de t'offrir le premier la main en signe de réconciliation. Ce qui pourrait me retenir dans une amitié ordinaire, ton rang et ta puissance, ne saurait entrer en considération entre nous deux. Tu es pour moi seulement Constantin, celui qui m'a nommé son ami, qui défendit ma vie et pour lequel j'aurais mille fois sacrifié la mienne. Je vis à Saint-Iome avec ma compagne, ma douce Théophanie, qui gémit de me voir une peine qu'elle ne peut pas m'ôter. J'ignore où tu es, mais j'adresse cette lettre à Nicomédie au palais impérial. Dans 8 jours, je puis avoir une réponse. S'il ne m'en vient point, tout sera fini. Je saurai me résigner à t'aimer seul. Je supporterai ce malheur avec le courage qui m'aida dans plusieurs circonstances de ma vie. Aucun mot ne sortira plus de ma bouche, ni reproche, ni prière, ne te rappelleront un lien qui doit être brisé de part et d'autre, s'il est devenu trop pesant pour l'un de nous deux. Mais nous sommes chrétiens, nous fûmes amis, peut-on jamais cesser de l'être ?